Millions d'euros à la cité, c'était mon rêve à la base. Jamais personne nous regardait, les reins solides dans le pain. Grandi entre les loups et les hyènes, on fait parler les douilles quand c'est chaud. J'ai tout fait pour que demain soit meilleur qu'hier, et pour ça je me suis levé tôt. La voisine du deuxième pensait que je perdais la raison. Un peu parano, je gardais toujours un oeil sur la résine. Petit détail, je me souviens au terrain de football, j'étais bon. Dans la rue, tous mes rêves se sont zébris. J'ai zoné, j'ai trimé comme un char. La fumette, la buvette, tard le soir. En deux roues, je bombarde dans le square. Les temps plein dans le four, mon mica, oh. J'ai le ballon entre les mains, poteau, parlons français. Faut quitter le bitume et briller comme des diamants. Beloté sur le banc, poteau, c'est insensé. Quel train de vie, j'peux t'écrire un roman. Millions d'euros à la cité, c'était mon rêve à la base. Jamais personne n'aura gardé les reins solides dans le Benz. Gang de gros bras vénères, Urus Lamborghini, une villa Camos Mili. Enfant béni, que des dégaines crimi, fessé sur son tignet. Je préfère crever que de perdre. J'aime pas faire match nul et briser la cité. Frappe, intensité, ouf, rime, atrocité. T'es max, motricité. Gratuité, la méchanceté. J'ai zoné, j'ai trimé comme un char. La fumette, la buvette, tard le soir. En deux roues, je bombarde dans le square. Les temps plein dans le four, mon mica, oh. J'ai le bas entre les mains, poteau, parlons français. Faut quitter le bitume et briller comme des diamants. Menotté sur le banc, poteau, c'est insensé. Quel train de vie, j'peux t'écrire un roman. Millions d'euros à la cité, c'était mon rêve à la base. Jamais personne nous regardait, les reins solides dans le pince. Entre les loups et les hyènes, on fait parler les douilles quand c'est chaud. J'ai tout fait pour que demain soit meilleur qu'hier, et pour ça j'me suis levé tôt. Millions d'euros à la cité.